Chapitre 13. Nous marchions toujours avec toutes nos voiles vers le sud. Maintenant, c'étaient des nuées de damiers et d'autres oiseaux de mer qui voyageaient derrière nous. Ils nous suivaient étonnés et confiants, depuis le matin jusqu'à la nuit, criant, se démenant, volant par courbes folles, comme pour nous souhaiter la bienvenue à nous, autres grands oiseaux aux ailes de toile qui entrions dans leur domaine lointain et infini, l'océan austral. Et leurs troupes grossissaient toujours à mesure que nous descendions. Avec les damiers, il y avait les pétrels gris-perles, le bec et les pattes légèrement teintés de bleu et de rose, et les malamocs, tout noirs, et les gros albatros lourds d'une teinte sale, avec leur air bête de mouton, avec leurs ailes rigides et immenses, fendant l'air, piaulant après nous. Même, on en voyait un que les matelots se montraient, un amiral, oiseau d'une espèce rare et énorme, ayant sur ses longues pennes les trois étoiles dessinées en noir. Le temps, changé, était devenu calme, brumeux, morne. L'alizée australe était mort à son tour, et la limpidité des tropiques était perdue. Une grande fraîcheur humide surprenait nos sens. On était en août, et c'était le froid de l'autre hémisphère qui commençait. Quand on regardait tout autour de soi, l'horizon vide, il semblait que le nord, le côté du soleil et des pays vivants, fût encore bleu et clair, tandis que le sud, le côté du pôle et des déserts d'eau, était ténébreux. Par ma grande protection, Yves avait obtenu, pour sa perruche, un compartiment réservé, dans une des cages à poules du commandant, et il allait chaque soir la couvrir avec un vieux morceau de voile, pour qu'elle ne fût pas incommodée par l'air de la nuit. Tous les jours, les matelots pêchaient avec leur ligne des damiers et des pétrels. On en voyait déranger, écorchés comme des lapins, qui pendaient tout rouges dans les haubans de misaine, attendant leur tour pour être mangés. Au bout de deux ou trois jours, quand ils avaient rendu toute l'huile de leur corps, on les faisait cuire. C'était le garde-manger des gabiers, ces haubans de misaine. À côté des damiers et des pétrels, on y voyait même des rats quelquefois, déshabillés aussi de leur peau et pendus par la queue. Une nuit, on entendit tout à coup se lever une grande voix terrible, et tout le monde s'agiter et courir. En même temps, la sibylle s'inclinait toujours, toute frémissante, comme sous l'étreinte d'une ténébreuse puissance. Alors ceux même qui n'étaient pas de quart, ceux qui dormaient dans les faux ponts, comprirent, c'était le commencement des grands vents et des grandes houles. Nous venions d'entrer dans les mauvais parages du sud, au milieu desquels il fallait falloir se débattre et marcher quand même. Et plus nous avancions dans cet océan sombre, plus ce grand vent devenait froid, plus cette houle était énorme. Les tombées des nuits devenaient sinistres. C'étaient les parages du Cap Horn, désolation sur les seules terres un peu voisines, désolation sur la mer, désert partout. À cette heure des crépuscules d'hiver, où on sent plus particulièrement le besoin d'avoir un gîte, de rentrer près d'un feu, de s'abriter pour dormir, nous n'avions rien à nous. Nous veillions toujours sur le qui-vive, perdu au milieu de toutes ces choses mouvantes qui nous faisaient danser dans l'obscurité. On essayait bien de se faire des illusions de chez soi, dans les petites cabines rudement secouées, où vacillaient les lampes suspendues. Mais non, rien de stable. On était dans une petite chose fragile, égarée, loin de toute terre au milieu du désert immense des eaux australes. Et au dehors, on entendait toujours ces grands bruits de houle et cette grande voix lugubre du vent qui serrait le cœur. Et Yves, lui, n'avait guère que son pauvre hamac balancé, où une nuit sur deux, on lui laissait le loisir de dormir un peu chaudement. Chapitre 14. Ce fut un matin à l'entrée de la mer des Célèbes que mourut cette chouette qui était la perruche d'Yves. Un matin de grand vent où on prenait le second ris aux huniers. Elle se laissa écraser par insouciance entre le mât et la vergue. Yves, qui entendit son cri rauque, vola à son secours, mais trop tard. Il redescendit de la hune, rapportant dans sa main sa pauvre perruche morte, aplatie, n'ayant plus forme d'oiseau, un mélange de sang et de plumes grises, au-dessus duquel remuait encore une pauvre patte crispée. Yves avait du chagrin, je le voyais bien dans ses yeux, mais il se contenta de me la montrer sans rien dire, en mordant sa lèvre dédaigneuse. Puis il la lança à la mer, et le requin qui nous suivait la croqua comme une ablette. Chapitre 15. En Bretagne, l'hiver de 1876. La sibylle était rentrée à Bresse depuis deux jours. Après avoir fini son tour complet par en dessous, et j'étais avec Yves un soir de février dans une diligence de campagne qui nous emportait vers Plouerzel. C'était un recoin bien perdu que ce pays de sa mère. Cette voiture devait nous mener en 4 heures de Guingamp à Paimpol, où nous comptions passer la nuit. Et de là, il nous faudrait encore marcher longtemps à pied pour arriver au village. Nous nous en allions cahoter sur une mauvaise petite route, nous enfonçant de plus en plus dans le silence des campagnes tristes. La nuit d'hiver tombait sur nous lentement, et une pluie très fine embrouillait les choses dans les buées grises. Les arbres passaient, montrant l'un après l'autre leurs silhouettes mortes. De loin en loin, les villages passaient aussi. Villages bretons, chaumières noires aux toits de paille moussue, vieilles églises à minces flèches de granit, gîtes isolés, mélancoliques, qui se perdaient vite derrière nous dans la nuit. « Voyez-vous, disait Yves, j'ai fait cette route aussi la nuit il y a 11 ans. Moi j'en avais 14, et je pleurais bien. C'était la fois où j'ai quitté ma mère, pour m'en aller tout seul m'engager mousse à Brest. » J'accompagnais Yves un peu par désœuvrement dans ce voyage à Plouerzel. La permission qu'on m'avait donnée était courte, et le temps me manquait cette fois pour aller voir ma mère. Alors j'allais voir la sienne, et faire connaissance avec son village qu'il aimait. Et à présent je regrettais de m'être mis en route. Yves, tout absorbé dans sa joie de revenir, me parlait bien toujours, par déférence. Mais son esprit n'était plus avec moi. Je me sentais un étranger dans ce coin de monde où nous allions arriver, et toute cette Bretagne que je n'aimais pas encore m'oppressait de sa tristesse. Paimpol. Nous roulons sur des pavés entre des vieilles maisons noires, et la diligence s'arrête. Des gens sont là, qui attendent avec des lanternes. Les mots bretons s'entrecroisent avec les mots français. « Y a-t-il des voyageurs pour l'hôtel Le Pendreff ?» demanda une voix de petit garçon. « L'hôtel Le Pendreff, j'en ai maintenant souvenance. C'était il y a 9 ans, pendant ma première année de marine. Je m'y étais reposé 1 heure, un jour de juin. Mon navire étant venu par hasard mouillé dans une baie des environs. Oui, je me rappelle. Une ancienne maison seigneuriale, à tourelles et à pignons. Et deux dames, Le Pendreff toutes pareilles, en grand bonnet blanc, faisant vignette d'autrefois. » Nous descendons à l'hôtel Le Pendreff. Rien de changé dans la maison. Seulement une des dames Le Pendreff est morte. Celle qui reste était déjà si vieille il y a 9 ans qu'elle n'a pu guère vieillir encore. Son type, son bonnet, l'honnêteté placide de sa personne, tout cela est du vieux temps. Il fait bon souper devant le grand feu qui flambe, et la gaieté nous est revenue. Après, dame Le Pendreff, munie d'un chandelier de cuivre, nous précède dans l'escalier de granit. Et nous introduit dans une chambre immense, où deux lits, d'une forme très antique, sont dressés sous des rideaux blancs. Yves cependant se déshabille avec lenteur, sans conviction aucune. « Ah, dit-il tout à coup, remettant son col bleu, tenez, je m'en vais. D'abord, vous comprenez, je ne pourrai pas dormir. Tant pis, j'arriverai bien tard, je les réveillerai là-bas passé minuit. Ça leur fera un peu peur, comme l'année où je suis revenu de la guerre. Mais j'ai trop envie de les voir, il faut que je m'en aille. Moi aussi j'aurais fait comme lui. » Paimpol dort quand nous sortons par un pâle clair de lune. Je l'accompagne un bout de chemin pour raccourcir ma soirée. Nous voici dans les champs. Yves marche très vite, très agité, et repasse dans sa tête les souvenirs de ses autres retours. « Oui, dit-il après la guerre, je suis venu comme ça vers 2 heures du matin les réveiller. J'avais fait la route à pied depuis Saint-Brieuc. Je m'en retournais bien fatigué du siège de Paris. Vous pensez, j'étais tout jeune alors, je venais de passer Matelot. Et tenez, j'avais eu bien peur cette nuit-là, contre la croix de Kergrist, que nous allons voir au tournant de cette route. J'avais trouvé un vieux petit homme très laid qui me regardait en tenant les bras en l'air, et qui ne bougeait pas. Et je suis sûr que c'était un mort, car il a disparu tout d'un coup en remuant son doigt, comme pour me faire signe de venir. Justement, nous arrivions à cette croix de Kergrist. Nous la voyions surgir devant nous comme quelqu'un qui se lève dans l'obscurité. Mais il n'y avait personne de blotti contre son pied. Ce fut là que je dis adieu à Yves, et que je rebroussai chemin, moi qui n'allais pas jusqu'à Plouerzel. Quand nous eûmes chacun perdu le bruit de nos pas dans le silence de cette nuit d'hiver, le vieux petit homme mort nous revint en tête, et nous nous mîmes à regarder malgré nous dans les taillis noirs. Chapitre 16. Le lendemain matin, j'ouvris les yeux dans la chambre immense de dame Le Pendreff. Le soleil breton filtrait discrètement par les fenêtres. Il devait faire très beau. Après ces quelques minutes qui sont toujours employées par moi à me demander dans quel coin du monde je m'éveille, je retrouvai l'image d'Yves, et j'entendis dehors le piétinement d'une foule en sabots. Il y avait grande foire à Paimpol ce jour-là, et je fis une toilette de frère de la côte, pour ne pas effaroucher tous les amis nouveaux auxquels j'allais être présenté comme un marin du midi. C'était entendu avec Yves, cette mise en scène et cette histoire. Je descendis sur le perron de l'hôtel, où le soleil donnait. La place était pleine de monde, des marins, des paysans, des pêcheurs. Yves était là, lui aussi, revenu au petit jour pour cette foire, avec tous ses parents de Plouhirzel. Il m'attendait en bas pour me conduire à sa mère. Une très vieille femme se tenant droite et un peu fière dans son costume de paysanne, c'était la mère d'Yves. Elle avait un peu ses yeux, mais son regard était dur. Je m'étonnais aussi de la trouver si âgée. Elle semblait plus que septuagénaire. Il est vrai, à la campagne, on vieillit plus vite, surtout quand la fatigue s'en est mêlée avec des chagrins. Elle n'entendait pas un seul mot de galec, de français, et me regardait à peine. Mais il y avait un très grand nombre de cousins et d'amis, qui tous avaient l'accueil avenant et l'air de belle humeur. Ils étaient venus de loin, de leur petite chaumière moussue, éparpillée dans la campagne sauvage, pour assister à cette grande fête de la ville. Et avec cela, il fallait boire, du cidre, du vin, c'était à n'en plus finir. Le bruit allait croissant, et des marchands de complaintes à la voix rauque chantaient en breton, sous des parapluies rouges, des choses à faire peur. Arriva un personnage duquel Yves m'avait entretenu souvent, son ami d'enfance, Jean, un voisin de chaumière qu'il avait ensuite retrouvé au service, matelot comme lui. C'était un garçon de notre âge, avec une jolie figure ouverte et intelligente. Il embrassa Yves tendrement et nous présenta Janie, qui depuis 15 jours était sa femme. Yves comblait sa vieille mère d'attention et de caresses. Ils se racontaient beaucoup de choses en breton et parlaient tous les deux à la fois. Lui s'en excusait bien un peu, mais cela faisait du bien de les voir et de les entendre. Elle n'avait plus du tout l'air dur quand elle le regardait. Les bonnes gens de la campagne ont toujours des affaires à n'en plus finir chez le notaire. Je les laissais tous se rendant chez celui de Paimpol pour un très long partage. D'ailleurs, j'avais décidé de ne m'établir chez eux que demain, pour ne pas les gêner pendant cette première journée, et je m'en allais seul me promener très loin. Chapitre 17. Je marchais depuis 1 heure. Au hasard, j'avais pris le même chemin qu'hier avec Yves, et j'étais repassé devant cette croix de Kergrist. Maintenant, Paimpol et la mer et les îles et les capes boisées de sapins sombres, tout cela venait de disparaître derrière un repli du terrain. Une campagne plus triste s'étendait devant moi. Cette journée de février était calme, très morne. L'air était presque doux, et le ciel restait bleu par places, un peu voilé seulement, comme toujours est le ciel breton. Je m'en allais par des sentiers humides, bordés, suivant le vieil usage, de hauts talus en terre, qui muraient tristement la vue. L'herbe rase, les mousses mouillées, les branches nues sentaient l'hiver. À tous les coins de ces chemins, de vieux calvaires étendaient leurs bras gris. Ils portaient des sculptures naïves, retouchées bizarrement par les siècles, les instruments de la Passion ou bien des images grimaçantes du Christ. De loin en loin, on voyait les chaumières à toit de paille, toutes verdies de mousse, à demi enfouies dans la terre, et les branchages morts. Les arbres étaient rabougris, dépouillés par l'hiver, tourmentés par le vent du large. Personne nulle part, et tout cela était silencieux. Une chapelle de granit gris, avec un enclos de hêtres et des tombes. Ah oui, je la reconnaissais sans l'avoir jamais vue, la chapelle de Plouhirzel. Yves m'en avait souvent parlé à bord pendant les nuits de quart, pendant les nuits limpides de là-bas, où on rêvait du pays. Quand on est rendu à la chapelle, disait-il, c'est tout près. On n'a plus qu'à tourner dans le sentier à gauche, 200 pas, et on est chez nous. Je tournais à gauche, et au bord du sentier, j'aperçus la chaumière. Elle était isolée et toute basse, sous de vieux hêtres. Elle regardait un grand paysage triste dans les lointains, s'estompait dans les gris noirs. C'était des plaines monotones, avec des fantômes d'arbres. Un lac d'eau marine à l'heure de la basse mer, un lac vide creusé dans des assises de granit, prairie profonde d'algues et de varechs, avec une île au milieu. L'île étrange, en granit tout d'une pièce, polie comme un dos, ayant forme d'une grande bête assise. On cherchait des yeux la mer, la vraie qui devait revenir pourtant à ses réservoirs abandonnés, et on ne la découvrait nulle part. Une brume froide et sombre montait à l'horizon, et le soleil d'hiver commençait à s'éteindre. Pauvre Yves. Une chaumière isolée au bord du chemin, c'est la sienne. Une pauvre petite chaumière bretonne, au détour d'un sentier perdu, bien basse, sous un ciel obscur à moitié dans la terre, avec du vieux petit mur de granit, où poussent les pariétaires et la mousse. Là sont tous ses souvenirs d'enfance à lui. Là était son berceau de petit sauvage. Là était son nid, foyer chéri habité par sa mère, foyer auquel, dans les pays lointains, dans les grandes villes d'Amérique ou d'Asie, son imagination toujours le ramenait. Il y songeait avec amour à ce petit coin de monde, pendant les belles nuits calmes de la mer et pendant les nuits troublées, brutalement joyeuses de sa vie d'aventure. Une pauvre chaumière isolée, au détour d'un chemin, et c'est tout. Dans ses rêves de marin, c'était là qu'il revoyait, sous le ciel pluvieux, au milieu de la campagne morte du pays de Goélo, ses vieux petits murs humides, tout verdis de pariétaires, et les chaumières voisines où des bonnes vieilles en coiffe le gâtaient au temps de son enfance. Et puis, au coin des chemins, les calvaires de granit, mangés par les siècles. Mon Dieu, que ce pays est sombre et me serre le cœur! Je frappai à cette porte, et une jeune fille qui ressemblait à Yves parut sur le seuil. Je lui demandai si c'était bien la maison des Kermadec. Oui, dit-elle, un peu étonnée et craintive. Et puis tout à coup, « C'est vous, monsieur, qui êtes l'ami de mon frère, et qui êtes arrivé de Brest hier au soir avec lui ?» Seulement, elle s'inquiétait de me voir venir seule. J'entrai. Je vis les bahuts, les lits bretons, les vieilles assiettes rangées au vaisselier. Tout cela avait la mine propre et honnête, mais la chaumière était bien petite et modeste. « Tous nos parents sont riches, m'avait souvent dit Yves, il n'y a que nous autres qui sommes pauvres. » On me montra un de ces lits en forme d'armoire à deux places, qui avait été préparé pour Yves et pour moi. Je devais habiter l'étagère supérieure, qui était garnie de gros draps de toile rousse, bien propres et bien raides. Restez donc, monsieur, ils vont bientôt revenir de la ville. Mais non, je remerciai pour ce premier jour, et je m'en allai. À mi-chemin de Paimpol, nuit tombante, j'aperçus de loin un grand col bleu, dans une carriole, qui s'en revenait bon train vers Plouerzel, la petite voiture de l'ami Jean, ramenant Yves et sa mère. Je n'eus que le temps de me jeter derrière les buissons. S'il m'avait reconnu, il n'y aurait plus eu moyen de les quitter, bien certainement. Il faisait tout à fait nuit quand j'arrivais à Paimpol, et les petites lanternes des rues étaient allumées. J'essayais de me mêler à cette foule qui s'agitait sur la place. C'étaient de ces marins qu'on appelle là des Islandais, qui s'exilent tous les étés, 6 mois durant, pour aller faire la grande pêche dangereuse dans les mers froides. Aucun de ces hommes n'était seul. Ils circulaient en chantant par les rues avec des jeunes femmes au bras, des sœurs, des fiancées, des maîtresses, et ces images de joie et de vie me donnaient le sentiment de mon isolement profond. Je marchais seul, moi, triste et inconnu de tous, sous mon costume d'emprunt pareil au leur. On me dévisageait. Qui est celui-là? Un marin d'ailleurs, à la recherche d'un navire? Nous ne l'avons jamais vu parmi nous. Je me sentais froid au cœur, et brusquement je repris le chemin de Plouerzel. Après tout, je ne gênerais peut-être pas beaucoup mes amis simples de là-bas, en allant un peu me réchauffer près d'eux. J'avais oublié de dîner, et je marchais d'un pas rapide, craignant d'arriver bien tard, de trouver là-bas la chaumière fermée et mes amis couchés. Chapitre 18. Au bout d'une heure, j'étais au milieu de la campagne, absolument égaré. Autour de moi, rien que l'obscurité, le silence des nuits d'hiver. J'errais dans des sentiers détrempés. Personne à qui demander ma route, aucun hameau, aucune lumière. Toujours des silhouettes noires d'arbres, et puis de loin loin des calvaires. Il y en avait de très grands que je n'avais jamais rencontrés dans ma promenade du jour. Je rebroussai ce chemin en courant. Je courus longtemps dans toutes les directions. Une pluie glaciale commençait à tomber, chassée par le vent qui se levait. Cela m'était égal d'être égaré. Seulement j'avais besoin de voir quelqu'un d'ami, et je me pressai pour essayer de retrouver Yves. Il devait être fort tard quand je reconnus devant moi la chapelle de Plouerzel, et le lac d'eau marine, où tombait une lueur de lune, et la masse noire de l'île de granit sur l'eau pâle, le dos de la grande bête couchée. Près de la chapelle, j'entendis des voix. Dans le noir, deux hommes, dont l'un athlétique, se tenaient par la main, et se parlaient fort tendrement, à la manière des gens un peu gris, Yves et Jean, et je courus à eux. Un grand étonnement et une joie de me voir, et puis Jean, nous prenant chacun par un bras, nous entraîna tous deux chez lui. La chaumière de Jean, isolée aussi, était dans le voisinage de celle d'Yves, mais bien plus grande et plus cossue. On voyait tout de suite qu'on entrait chez des gens riches. Les bahuts et les lits avaient des fermoirs d'acier découpés qui reluisaient comme des armures. Tout au fond était dressée une cheminée monumentale, où flambait le tronc d'un chêne. Deux femmes étaient assises devant ce feu, Janie, la jeune épouse, et puis la vieille mère en haute coiffure filant à son rouet. C'était une jolie vieille à peindre, la mère de Jean. Elle avait aussi un peu élevé Yves, qu'elle appelait en breton son autre enfant, et qu'elle embrassa sur les deux joues bien fort. Les femmes, depuis une heure, étaient inquiètes, éveillées pour les attendre. Elles les reçurent avec indulgence, bien qu'ils fussent gris, c'est l'usage entre amis du service qui se retrouve. Les grondèrent un peu, puis se mirent en devoir de nous faire à tous trois des crêpes et de la soupe. Un mauvais vent qui venait de se lever de la mer gémissait dehors, dans le noir de la campagne déserte. De temps en temps, il descendait par la cheminée, chassant en avant la flamme claire. Alors de petits flocons de cendre très légers se mettaient à danser en rond devant l'âtre, bien bas, en rasant le sol comme ces mauvaises âmes de nains qui virent toute la nuit autour des grandes pierres. Nous étions bien devant cette flamme qui séchait nos vêtements trempés de pluie, et nous attendions avec impatience la bonne soupe chaude qu'on allait nous servir. Chapitre 19. Ces crêpes qu'on nous faisait ressemblaient à la lune, tant elles étaient larges. On nous les passait à mesure toutes brûlantes, au bout d'une longue palette de frênes taillées en forme d'aviron de chaloupe. Yves en laissa choir une sur une grosse poule qu'on n'avait pas vue par terre et qui se sauva dans un recoin sombre, en secouant ce manteau d'un air revêche et offensé. J'avais bonne envie de rire, et Janie aussi, mais nous n'osions pas, sachant bien tous deux que c'était un signe de malheur. « Encore la grosse noire, » dit la vieille mère, lâchant son rouet, et regardant Yves d'un air consterné. « Janie, ma fille, rappelez-vous de l'envoyer demain matin vendre au marché. C'est toujours la même qui rôde à l'heure où toutes les autres poules sont couchées. Elle finirait par nous attirer du mal. » Nous coupions nos crêpes en petits morceaux pour les mettre dans nos écuelles de soupe, et puis nous les mangions bien trempées, avec nos cuillères de bois. Et Janie nous faisait boire, tous trois, dans une même grande moque qui était pleine d'un cidre très bon. Après, quand nous eûmes bien mangé et bien bu, Jean commença d'une jolie voix haute une chanson de bord que connaissent tous les matelots bretons. Yves et moi nous chantions les basses, et la vieille mère marquait la mesure avec sa tête et la pédale de son rouet. On n'entendait plus les refrains tristes que le vent chantait tout seul dehors. La chanson disait « Nous étions trois marins de Groix, nous étions trois marins de Groix, embarqués sur le Saint-François. Il vente, c'est le vent de la mer qui nous tourmente. Pauvre homme, la tombée à la mer, pauvre homme, la tombée à la mer. Les autres étaient bien dans la peine, il vente. C'est le vent de la mer qui nous tourmente. Les autres étaient bien dans la peine, les autres étaient bien dans la peine. Ils l'ont hissé le pavillon gaine, pavillon blanc. Ils vantent. C'est le vent de la mer qui nous tourmente. Ils ont hissé le pavillon gaine. Ils ont hissé le pavillon gaine. Ils n'ont trouvé que son chapeau. Ils vantent. C'est le vent de la mer qui nous tourmente. Ils n'ont trouvé que son chapeau. Ils n'ont trouvé que son chapeau. Son garde-pipe et son couteau. Ils vantent. C'est le vent de la mer qui nous tourmente. La maman qui s'en est allée. La maman qui s'en est allée. Priez la grande sainte Anne dorée. Ils vantent. C'est le vent de la mer qui nous tourmente. Bonne sainte Anne, rendez-moi mon fils. Bonne sainte Anne, rendez-moi mon fils. La bonne sainte Anne, elle lui a dit. Il vante. C'est le vent de la mer qui nous tourmente. La bonne sainte Anne, elle lui a dit. La bonne sainte Anne, elle lui a dit. Tu la retrouveras en paradis. Il vante. C'est dans le vent de la mer qui nous tourmente. Dans son village, s'en est retourné. Dans son village, s'en est retourné. Lendemain, pauvre femme, elle est trépassée. Il vante. C'est le vent de la mer qui nous tourmente.